à la bonne. Heureusement. Heureusement, on ne ment. Heureusement, on ne ment. Qu'en songe, on ne ment qu'en songe, mensonge. Heureusement, on ne ment. Heureusement qu'on ne ment. Heureusement qu'on ne ment. Heureusement, on sent que ces mots résonnent. Pour faire genre, ça va. Allez, oublie tout. Assume. Si tu pètes des câbles, tu pètes des câbles. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Moi, je me retiens de péter et c'est un trouble. La journée, ça m'a changé la forme de mes tuyaux, c'est rouble. Maintenant au lever, c'est le seul moment où je dois me lâcher. Ah, c'est pas la bonne note, les gars. C'est vrai, tu verras, tu verras. Olé. Olé. Mouyen, merci. Trop cool. C'est un plaisir en tout cas de vous rencontrer musicalement. C'est ma première et je suis honorée. Moi aussi. On n'a pas dit que t'étais. Tu sais pas qui t'es, tu sais qui t'es. Il faut que t'aies un blaze sur Ninja. Faut que j'ai un blaze. Si vous avez une idée de blaze, je suis prenante. Sauf la déprimée. Boss de l'agua. Agua. Agua del mar. Bon, bah voilà. Qui repart? C'est toi, t'as levé le doigt, t'es trop mignon. Je suis sur un mi mineur normal, mais bon, mais vas-y. Hein. Ça fait 9, ça fait 13, 23, 23. I am free, I am freedom, I am so rage. the unity, on the love and prosperity. I am love, I am eight, I am nine, I am 14, I am one, I am give me five, I am nine, I am six, six, six, I am one, I am five, I am nine, I am 12, give me my freedom, give me my freedom, give me my freedom, give me the one. Don't say the hurt, don't you ever, don't you ever. You are the one, so give me five. We are nine, we are in love with man, with other man. I am open, just give me love. She's the one you wanted to see. She's the one you'll ever pray for. She's you the are one. You will be free. I am befriended. I am so strong. I am alone. I stay alone all no by myself. No I am depressed. Every I am. Day, I no wanna die. I wanna love. I cannot love. I never find one, so give me five, and give me sex, and give me a kiss on my neck. So give me one, and give me five, give me the nine I will desire. We only keep singing while I hit your pussy. Tell me yes, I want. You wanna be free, don't be close to me. I will take you on my hand. I will take you, I will rape you. Be far, stay far. Sommeil. tu payes, je paye. Tu payes ou je paye. Coup de pelle, coup de pelle. Un, deux, trois. Sommeil en moi. Ta peur, tu te noies, ta peur. T'assumes pas, ta peur. Dis-le-moi. Le moi, dis-le-moi. Dis-moi, dis-le-moi, je. Pourquoi tu caches le soleil en toi? 1, 2, 3. Plus facile pour moi. 1, 2, 3, on verra s'il pleut. Ce sera pour moi de pas être pas sympa. 1, 2, 3, ce sera moi le soleil. Rien que pour toi caché. 1, 2, 3, je vais pas me fâcher. Cela va en toi, marche sur ta guitare, sors les tes doigts, vas-y, c'est bon ça. Marche sur ta guitare, montre-nous ta voix. voudrais tout blottir contre toi. Moi je voudrais tout blottir. Moi je me voulais tout. C'est vrai qu'au lait je me voulais. Thank you.